Chapitre 4. L'entrée bruyante du commis dans la caisse avait attiré l'attention de tous les employés. On savait qu'il descendait du second étage et son air effaré annonçait une catastrophe. Chacun se leva et accourut vers le bureau de Lucius. Deux commis, qui étaient à ce moment même occupés à peser des matières d'or, abandonnaient leur balance pour venir savoir ce qui se passait. Les personnes qui étaient devant leur guichet, en voyant cette disparition inexplicable, restèrent ébahis. L'une était une femme du peuple qui tenait un enfant au maillot dans ses bras. L'autre était une femme élégante et distinguée. « Eh bien ?» s'écrièrent les deux commis en arrivant dans la caisse. « Le patron est mort, » répondit doucement Pomo. « Flavien le sait par Françoise, c'est certain. »« Messieurs, » dit Lucius, « retournez donc à vos places. » « Ce que vous faites là est inconvenant. » Sans répliquer, les deux curieux revinrent à leur comptoir. « Est-ce que vous n'allez pas me payer mon anneau ?» demanda la femme à l'enfant, qui avait entendu la réponse de Pomo. « Je ne pourrais pas attendre. »« Si. 2 grammes d'or à 2,80 francs le gramme, cela fait 5,60 francs. Où demeurez-vous ? Rue du Chevaleret. Derrière la gare d'Orléans. Et vous venez jusqu'ici pour vendre 2 grammes d'or ?» « On m'a dit que vous m'achèteriez plus cher que les bijoutiers. Avez-vous des papiers ?»« Non. »« Alors on va aller avec vous, on vous payera à domicile. »« Croyez-vous donc que j'ai volé cet anneau ? C'est celui de mon mariage. » Pendant ce temps, on pesait le lot de la femme élégante. Chaînes, bagues d'où l'on retirait les pierres, montres d'où l'on retirait le mouvement, et on lui donnait un bon à toucher de 5 400 francs. Les deux femmes parties. Comme il ne se trouvait pas d'autres vendeurs dans le bureau, les commis revinrent promptement à la caisse où tout le monde était réuni, discutant sur l'événement qui venait d'arriver. « Il est certain qu'on va fermer la maison, » disait l'un d'eux. « Il est 8h30, » dit Pomo en regardant à sa montre. « Si l'on fermait tout de suite, je pourrais prendre le train de 9h05. Je serai à 10h dans mon jardin. » « Ce pauvre monsieur Dalifard, qui nous aurait dit il y a 15 jours qu'il en viendrait là ?» Et si vite. Ce n'était pas un homme solide, il était soufflé. C'est vraiment malheureux quand on a la fortune, mourir avant d'en avoir joui. Certainement, c'est très malheureux, continua Pomo. Seulement, si on ne ferme pas tout de suite, je manquerai le train de 9h. Je ne pourrai prendre que celui de 10h. J'arriverai à 11h. Le soleil sera trop chaud, ce sera une journée perdue. Puis, s'adressant au caissier, « Croyez-vous qu'il ne serait pas à propos de faire demander à madame si l'on ne doit pas fermer ?»« Madame n'est pas femme à perdre la tête. »« On peut oublier, dans le trouble, le chagrin, l'émotion. »« Elle n'oublie rien. »« Si elle trouve bon de fermer les bureaux, elle nous le fera dire. »« Jusque-là, attendons et gardons nos places. »« Nous avons l'air d'écoliers échappés. »« Véritablement, ce n'est pas convenable. » Alors on se mit à parler de convenance, de respect humain, d'usage, et l'on fut unanime à dire que les convenances et le respect humain exigeaient la fermeture immédiate des bureaux. Quand il y a un mort dans une maison, l'usage veut qu'on ferme les portes. Fermer pour cause de décès, c'est obligé. Pomo n'était pas seul à avoir des raisons personnelles pour partir immédiatement. Chacun avait sa salade à planter. L'un venait de se souvenir qu'il n'avait pas vu depuis longtemps sa mère, qui demeurait aux environs de Beauvais. La mort de M. Dalifard lui offrait une occasion favorable pour entreprendre ce voyage. L'autre avait des copies de pièces à faire pour un avoué. Elles étaient pressées et il devait passer dans ce travail ces 2 nuits du samedi et du dimanche. S'il pouvait rentrer tout de suite chez lui, il pourrait s'acquitter tranquillement de sa besogne et dormir dans son lit. Flavien, le plus jeune des commis, qui n'avait que 17 ans, comptait et recomptait sa bourse. Il y trouvait 14 francs, et il interrogeait ses camarades pour savoir si avec 7 francs, il pourrait passer la journée du dimanche au Havre, parce qu'alors il prendrait le train de plaisir du soir. 7 francs de chemin de fer et 7 francs de dépenses diverses, pour se nourrir et s'amuser, cela employait son capital. Il n'avait jamais vu la mer, quelle fête! Et les phares, et les navires des migrants, et les barques de pêche, et la marée basse avec ses coquillages sur la grève, et le soleil, et les étoiles. Flavien était poète. Au moins, il s'essayait à faire des vers qu'un imprimeur du quartier lui avait promis d'éditer à 150 exemplaires en échange de l'obtention des fournitures d'imprimés pour la maison d'Alifar. Pour que tout cela puisse se réaliser, il fallait que les bureaux fussent immédiatement fermés et que l'enterrement se fît le lundi. N'aurait-il pas lieu le dimanche ? Grave question qu'on discutait sans pouvoir se mettre d'accord, tant les raisons étaient solides de l'un et l'autre côté. Monsieur d'Alifar étant mort le samedi matin, on pouvait très bien l'enterrer le dimanche dans l'après-midi. Alors on n'avait pas de messe. Sans doute, mais l'inconvénient de n'avoir pas de messe ne serait-il pas compensé, aux yeux de Madame d'Alifar, par l'avantage d'ouvrir les bureaux dès le lundi matin. Elle n'aimait pas à perdre du temps. Non, mais d'un autre côté, elle n'aimait pas non plus à blesser les convenances. Elle voudrait un bel enterrement, une grande messe et tout ce qui s'ensuit. Elle aimerait mieux gagner de l'argent dans ses bureaux que d'en dépenser à l'église. L'enterrement se ferait le lundi, il se ferait le dimanche. On ferma tout de suite, on ne fermerait pas. Les discussions allaient ainsi. Pommeau interrogeait sa montre de minute en minute. Flavien cherchait dans le bottin des restaurants à bon marché au Havre, lorsque tout à coup on entendit des craquements et des bruits de pas haut d'un petit escalier tournant qui du second étage descendait à la caisse. Construit en ces derniers temps, ce petit escalier servait à faire communiquer les appartements particuliers avec les bureaux du premier étage et du rez-de-chaussée, et il permettait à Madame d'Alifar de surveiller facilement tout ce qui se passait dans la maison. En entendant ce bruit bien connu, chacun regagna sa place en toute hâte et prit son air affairé. Lucius lui-même ouvrit rapidement son journal de caisse et, une plume à la main, se mit à suivre des colonnes de chiffres. Une petite femme sèche et nerveuse descendit l'escalier. C'était Madame d'Alifar. 50 ans, la mine et la vivacité d'une souris, la figure pâle, ne disant rien, mais cachant beaucoup de choses. À la ceinture, se détachant sur une robe de grenadine noire, un trousseau de clés poli par l'usage. En l'entendant marcher dans sa caisse, Lucius se retourna vivement. L'expression de son visage était habilement composée. Elle voulait montrer une profonde douleur et en même temps une respectueuse discrétion. Il s'inclina, puis, relevant la tête, il s'apprêtait à parler, lorsque Madame d'Alifar, lui imposant silence d'un geste sec, s'avança vers la porte grillée qui, de la caisse, communique avec les bureaux. « Monsieur Pommeau, » dit-elle. Puis, sans attendre, elle revint sur ses pas et, prenant une clé à son trousseau, elle ouvrit une porte qui se trouvait à l'extrémité opposée, celle de son cabinet particulier. Pommeau, en entrant, la trouva assise devant son bureau, parcourant une liasse de papier. « Monsieur Pommeau, » dit-elle, d'une voix nette et sans lever les yeux sur son employé, « vous vous rendrez à 3 heures à la gare d'Orléans et vous prendrez votre billet pour Foix. Vous emporterez avec vous le livre sur lequel vous avez inscrit l'achat que vous avez fait à Salomon de 3 kg 540 g d'or. Il s'agit de donner des explications au jury dans une affaire où Salomon est inculpé comme receleur. Vous produirez votre livre et vous direz comment vous avez fait cet achat à Salomon, avec qui nous étions depuis longtemps en relation comme faisant métier d'acheter du galon. Mais, madame, c'est vous qui avez fait cette affaire. Personne mieux que vous ne peut l'expliquer avec sincérité à la justice. Il importe que de vos explications résulte pour tout le monde, même pour les ignorants, la parfaite honorabilité de ma maison. Il sera bon qu'en quelques mots, vous indiquiez comment nous traitons avec les brocanteurs et les précautions dont nous nous entourons. » Elle regarda l'heure à la pendule qui était sur la cheminée. « Il est 9h10. Vous avez tout le temps de prendre le train de 10h, d'aller chez vous, de faire votre valise et d'être revenu à la gare d'Orléans pour 3 heures. Vous arriverez à Foix dimanche soir, c'est-à-dire à temps pour l'audience qui ouvre lundi. De Paris à Foix, le prix en deuxième classe est de 91 francs 30. À Foix, vous logerez à l'hôtel des Balances. Vous y serez bien traité pour 5 francs par jour. L'affaire durera au plus 3 jours, mettons en 4 pour compter largement. 4 jours d'hôtel à 5 francs font 20 francs. En les ajoutant à 189 francs 60 de voyage, nous trouvons 202 francs 60. Voici un bon de pareille somme sur la caisse. Faites-vous l'avancer, vous en rendrez compte à votre retour. En vous en allant, passez par la rue Saint-Antoine, chez M. de la Branche, notaire. Voyez-le en personne et dites-lui que je le prie de venir me parler aussitôt que possible. Vous ajouterez que M. Dalifard vient de mourir. » Pomo avait bien des choses à répliquer, mais on ne répondait jamais rien à Mme Dalifard. Après un moment d'hésitation, il sortit la tête basse. Partir pour foi et ses salades, hélas! Alors elle appela Lucius, et celui-ci s'avança vivement, courbé en deux, les mains tendues, dans l'attitude d'un homme qui va prononcer quelques paroles bien senties, mais elle lui ferma la bouche. « J'ai eu le malheur de perdre M. Dalifard, » dit-elle. « Vous allez fermer la maison et vous préviendrez ces messieurs que l'enterrement est pour lundi. On leur fera connaître l'heure. La caisse seule restera ouverte. C'est demain le 15. Vous payerez les effets qui vous seront présentés aujourd'hui et dont le montant s'élève à 31 450 francs que voici. « Madame, » s'écria Lucius, « il faut que je vous témoigne tout... »« C'est bien, » interrompit-elle. « Je sais l'intérêt que vous portez à ma maison. Je vous remercie. » Sans en écouter plus long, elle ferma la porte de son cabinet et remonta le petit escalier. Mais au lieu de rentrer dans son appartement, elle se dirigea vers la cuisine. Une vieille servante, accoudée sur la table, le visage caché dans son tablier de grosse toile grise, pleurait en soupirant. En entendant sa maîtresse, elle se releva vivement et s'essuya les yeux. « Françoise, » dit Mme Dalifard, « j'attends mon fils d'un moment à l'autre. Il faut lui préparer des choses qui le forcent à manger, ce qu'il aime. Vous lui ferez des plats sucrés, des crèmes. Venez à l'office que je vous donne du sucre. » Passant la première, elle entra dans l'office et ouvrit la porte d'une grande armoire avec une clé qu'elle prit à son trousseau. Ayant compté 35 morceaux de sucre, elle les mit dans une assiette, puis prenant deux bougies dans une petite caisse. « Vous ferez la chambre de mon fils et à fond. Voilà des bougies. Deux ?» s'écria la servante. « Deux. Maintenant c'est M. Adolphe qui est le maître de la maison. »